Dis-moi, que restera-t-il de notre amour sur la terre? Dis-moi, s'envolera-t-il au-delà du grand mystère? Dis-moi, que restera-t-il de nos pas qui suivent l'eau? Dis-moi, remonteront-ils à la source du berceau? Et c'est pour ça que l'oiseau repart toujours plus. C'est pour ça que notre départ sera plus beau. Dis-toi que chaque baiser est une empreinte laissée, comme une étoile accrochée au cœur de la Voie lactée. Dis-toi que l'éternité est un chant d'oiseaux l'été, unique réalité pour toute l'humanité. Et c'est pour ça que l'oiseau repart toujours plus haut. Et c'est pour ça que notre départ sera plus l'horloge de nos deux cœurs ne connaît pas de fuseau. Quel que soit le nombre d'heures, elles sonnent au même tempo. Chante-moi cette chanson, chante-la à plein poumon. Elle s'élève comme un pont entre nous et l'horizon. Et c'est pour ça que l'oiseau repart toujours plus haut. Et c'est pour ça que notre départ sera plus beau. C'est pour ça que l'oiseau repart toujours plus haut. Et c'est pour ça que notre départ sera plus haut.